Marco Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 31 août 2022. Voici les grands titres de cette édition. Les écoles à régime d'internat de la province de Gitega manquent presque de tout le matériel nécessaire pour accueillir les élèves. Malgré cela, les directeurs préparent la rentrée 2022-2023. Vous l'entendrez, notre correspondant est en ligne depuis Gitega. Et dans la suite des appréciations des 17 ans du parti CNDD-FDD au pouvoir, nous vous proposons aujourd'hui l'avis de la présidente de l'Association des femmes rapatriées du Burundi. Et dans la chronique sur les messages de haine, un socio-anthropologue nous expliquera comment fonctionne le langage chacal fait de critiques et de reproches. Voilà pour le sommaire. Du sport pour ouvrir ce journal. L'équipe nationale burundaise de handball a été déclarée forfait hier soir dans un match qui devait l'opposer à celle du Maroc. Des sources très bien informées là-bas à Kigali disent que les joueurs burundais sont arrivés tard vers minuit à Kigali alors que le match devait commencer à 21h. La raison de ce retard, contrairement aux informations en train de circuler sur les réseaux sociaux, est qu'ils ont été obligés de voyager par route en début d'après-midi ce mardi dans un véhicule qu'ils ont dû louer grâce au concours des sponsors divers, dont le Comité national olympique. Ils ont manqué de billets d'avion alors qu'ils avaient prévu de voyager par avion. Nos sources ajoutent que les officiels burundais partis avec l'équipe sont en train de négocier avec la Confédération africaine de handball pour rejouer demain le match raté, puisque cette instance africaine de handball avait été prévenue de ce retard et qu'il n'y a pas de match prévu ce jeudi sur le calendrier de ces matchs comptant pour le championnat africain de handball qui se joue à Kigali. L'équipe nationale burundaise de handball joue aujourd'hui avec celle de la Libye. Je venais de vous le dire, les écoles à régime d'internat de la province de Gitega font face à un certain nombre de difficultés, dont la hausse des prix des denrées alimentaires, la vétusté des grosses marmites dites Mouvelo, l'insuffisance et la vétusté des matelas et d'autres problèmes, comme l'indiquent les directeurs de ces écoles. Toutefois, ces derniers précisent qu'ils sont en train de se préparer tant bien que mal la rentrée scolaire prochaine 2022-2023. En ligne de Gitega, nous appelons notre correspondant Gérard Nibigira. Les directeurs des écoles à régime d'internat de Gitega rencontrés indiquent qu'ils sont maintenant en train de préparer la rentrée scolaire prochaine 2022-2023. Ils précisent cependant qu'ils font face à certains problèmes. Et là, ils convergent tous sur la hausse des prix des denrées alimentaires et du bois de chauffage à un niveau inhabituel, alors que les subsides, eux, sont restés inchangés, c'est-à-dire 800 francs par jour et par élève. Pour ces chefs d'établissement, cette hausse des prix des denrées alimentaires s'est manifestée même l'année scolaire dernière, ce qui a été à la base de l'endettement de pas mal d'écoles envers leurs fournisseurs de vivres. Un autre problème observé à plusieurs écoles concerne la vétusté des grosses marmites Mouvelo qui font maintenant objet de réparation. Quant au matelas, certains directeurs disent qu'ils en ont en suffisance pour le moment, l'exemple étant celui du lycée Notre-Dame de la Sagesse et de l'Ita Bemoeya. C'est au moment où les matelas sont aussi vétustes qu'insuffisants à certaines d'autres écoles comme à l'Etesquibuka et au lycée Sainte-Thérèse. Les lits sont aussi insuffisants à certaines écoles comme à l'Ita Bemoeya. Toutefois, les directeurs des écoles à régime d'internat de Gitega avec qui nous sommes entretenus disent qu'ils sont en train de préparer la rentrée scolaire dont la date exacte n'est pas encore rendue publique. Ils font notamment réparer les grosses marmites Mouvelo, les bancs pupitres, les tables et bancs, les tabourets, les salles de classe et dortoirs, les tableaux noirs et d'autres. Cela étant, ils réclament la disponibilisation à temps des subsides des élèves internes pour qu'ils s'approvisionnent en denrées alimentaires. Ceux qui ont des matelas et des lits insuffisants ou vétistes réclament d'autres neufs. Depuis Gitega, Jani Bigila pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Et la création de la Banque d'investissement et de développement des femmes est une des réalisations phares pendant les 17 ans du pouvoir du parti CNDD-FDD. L'Association des femmes rapatriées du Burundi apprécie cette initiative. Godelive Manirakiza, présidente de cette association, estime que cette banque va booster l'autonomie financière des femmes. Suivez-la. La Banque des femmes, c'est une banque qui est venue au moment opportun, vraiment quand les femmes en avons besoin. Je commence d'abord par féliciter le pouvoir et qui a mis en place cette banque. C'est une idée unique qui n'a pas été faite depuis longtemps, mais que pendant cette période, voilà que la Banque des femmes est née. C'est une innovation pour appuyer les femmes, pour que les femmes aussi puissent se développer et contribuer au développement du pays. Nous sommes satisfaites d'abord de cette mise en place de cette banque. Ça, c'est une bonne idée que nous soutenons. En tant qu'association des femmes, nous nous réjouissons de l'existence de cette banque. Nous sommes conscientes que la banque va résoudre beaucoup de problèmes, surtout le problème d'accès au crédit des femmes. Nous avons entendu que la banque est venue avec une innovation et une prise en compte de la femme, surtout dans l'octroi de crédit à un taux d'intérêt très modéré. Je fais un appel à ces femmes de se constituer, de renforcer les associations et les coopératives pour qu'elles puissent bénéficier de cette opportunité qui leur est offerte pour pouvoir se développer. Je fais aussi un appel à cette banque pour qu'elle puisse mettre en place une équipe qui aide ces femmes à bien faire un projet vendable. Si la banque pouvait ouvrir des agences ou des guichets et dans d'autres provinces, ça va faciliter l'accès à ces crédits. Godelive Manirakiza, c'est la présidente de l'Association des femmes rapatriées du Burundi. Et l'institution de Bashinganaye apprécie positivement l'idée de la mise en place des médiateurs collinaires et ceux de quartier prévus le mois prochain. Cette institution trouve que le rôle de ces médiateurs est capital dans la résolution des conflits dans la communauté, surtout des conflits fonciers. Adrien Sibomana, président de cette institution, affirme que les Bashinganaye sont prêts à collaborer avec ces médiateurs. Suivez-le au micro de Moïse Misago. C'est une juridiction, un tribunal à l'échelon le plus bas. Ça veut dire que ça va être une très grande facilité pour les citoyens. Et lorsqu'ils auront des affaires à trancher au tribunal, qu'ils estiment bon, qu'il faut qu'ils saisissent les tribunaux, et ça sera beaucoup plus près. Pour nous, c'est une excellente chose. Les Bashinganaye de Colline, ils n'ont pas été intronisés pour être des juges. Ils ont été intronisés pour être des exemples dans la société, pour aider dans la résolution de certains conflits. À l'heure actuelle, combien estimez-vous de conflits qui sont en train de se dérouler sur chaque colline? Il y en a énormément. Et la plupart des fois, sauf s'il s'agit de cas de criminalité, la plupart des fois, ça se règle entre eux parce qu'ils se connaissent et les Bashinganaye qui sont les sages du coin. Les gens savent qu'ils peuvent les aider au lieu de dépenser des moyens pour aller au tribunal. Certains cas peuvent vraiment être réglés entre les familles ou entre les individus au niveau du voisinage. Comment est-ce que l'Institut de Bashinganaye va collaborer avec ces médiateurs? Les médiateurs, ce sont des juges. C'est une instance judiciaire. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin des témoins, des gens qui disent la vérité. C'est un des moyens de collaboration. Deuxièmement, s'ils veulent savoir exactement ce qui s'est passé, ils pourront toujours leur demander en tant que témoins. Également, n'oubliez pas que les gens vont les élire. Ils vont élire quelqu'un en qui ils ont confiance, qui savent qu'il est intègre, s'ils savent qu'il dit la vérité, qu'il peut trancher dans le droit chemin. Dans la plupart des cas, ça ne m'étonnerait pas que beaucoup d'entre eux soient des Bashinganaye intronisés. C'était Adrien Sibomana, c'est le président de l'institution des Bashinganaye. 10% des personnes vivant avec le VIH et SIDA au Burundi ne sont pas sous traitement antirétroviral car elles ne sont pas connues, une des causes de la propagation du VIH et SIDA. Bon nombre de ces dernières sont des jeunes. D'après le docteur Désiré Ndouimana, qui a représenté le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida au 4e Forum national des jeunes vivant avec le VIH-Sida qui se déroule en Ngozi. Selon lui, cela constitue un handicap majeur pour atteindre l'objectif de dire que le sida n'est plus un problème de santé publique au Burundi. Cette autorité ainsi que le représentant pays de l'ONU-Sida conseille à la population, particulièrement aux jeunes, le dépistage volontaire et la prise convenable du traitement antirétroviral. Apollinaire Muzakara. Comme l'indique le docteur Désiré Nduimana dans son quatrième forum des jeunes burundais vivant avec le VIH-Sida, 90% des personnes vivant avec ce virus sont comme 99,9% de ces derniers sont sous traitement antirétroviral et le virus chez 92,7% de ceux sous ARV n'est plus visible dans le sang, ce qui a permis au Burundi d'être classé premier parmi les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest dans la lutte contre le sida. D'après la dernière inspection faite par l'OMS, se réjouit cette autorité qui a représenté le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida dans ce forum. Docteur Désiré Nduimana et Marie-Marguerite Mornard, la représentante pays de l'ONU Sida au Burundi, demande à ces 10% restants, composés à majorité de jeunes, à se faire dépister et prendre le traitement adéquat, quitte à s'adonner aux travaux d'autodéveloppement comme les autres. Docteur Désiré Nduimana déplore néanmoins que le Burundi n'arrive pas à atteindre l'objectif de considérer le sida comme une simple maladie qui ne constitue pas un problème de santé publique à cause de ces personnes qui ne se font pas dépister et les moyens insuffisants pour poursuivre la sensibilisation. La représentante de l'ONU Sida au Burundi a promis plus de soutien à ces jeunes séropositifs, même dans leur projet d'autodéveloppement. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Il est 13h08 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal, 19 personnes parmi lesquelles en Ougandais sont dans les mains du service national de renseignement burundais à Rumonge depuis ce mercredi matin. Des sources sur place font savoir que la police de Rumonge les a arrêtés le matin de ce mercredi sur la colline Karonge de la commune Province Rumonge et les a ensuite remis aux responsables du CNR en Province Rumonge qui les a embarqués vers Bujumbura à la mi-journée. Et ce mercredi, elles sont accusées d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État après que leur chef se soit autoproclamé roi ce dimanche, selon des sources sur place à Karonge. La suite de ce journal, la polygamie et la dislocation familiale sont les impacts remarqués dans certaines familles des femmes qui se sont installées dans les pays arabes. Au moment où certaines femmes provenant de la province Rumonge, victimes de ces impacts, accusent leur mari de mauvaise gestion des biens familiaux, ses conjoints estiment plutôt que leurs épouses gagnent beaucoup d'argent dans ces pays arabes et préfèrent se marier à d'autres. Omer Douayo. La majorité de ces femmes sont du même avis qu'elles se rendent dans ces pays arabes après un consensus familial. Cependant, certains déplorent la mauvaise gestion des moyens financiers envoyés à leurs conjoints. On remarque de mauvaise gestion des biens familiaux lorsque tu envoies de l'argent à ton époux. Des fois, les maris mentent et disent avoir exécuté les projets convenus avec leurs épouses, ce qui met ces femmes en colère, préférant se marier à d'autres. Dans notre côté, les maris de ces femmes pensent que le divorce est une décision prise par la femme suite à ses moyens issus de ces pays. Nous avons connu tant de mésententes dans notre famille, faute de la séparation géographique. Ma femme a mis du temps pour revenir au pays et par conséquent j'ai eu un enfant hors mariage. Cela a fait que ma femme se mette en colère. Vu qu'il avait gagné de l'argent là-bas, il a voulu se marier à une autre personne et partant, il a voulu remettre la dot que j'avais payée pour elle, mais je l'ai refusée. Au moment où les femmes trouvent que la solution serait de ne pas envoyer de l'argent à leur mari, les hommes, de leur côté, estiment qu'il devrait y avoir un contrat qui établirait la conduite à tenir. Maître Prime Mbarubukeye, président de l'organisation militant contre la traite des êtres humains, ONLCTO et ton frère, revient sur les articles 121, 122 et 123 du Code familial, expliquant que les conjoints doivent s'entendre au moment où l'un d'entre eux veut partir ailleurs à la recherche du travail. Dans le passé, la plupart des femmes partaient sans accord préalable de leur mari, ce qui entraînait beaucoup de conséquences au niveau social. Il y a vraiment eu beaucoup de dislocations de famille, beaucoup de divorces. Il y a même des maris qui venaient se plaindre auprès de notre organisation en disant voilà, essayez vraiment de nous aider à faire une opposition au niveau de la PAF. On essayait quand même de les aider pour que les femmes reviennent avant qu'ils ne franchissent les frontières. frontière burundaise. Mais ceux qui avaient déjà franchi les frontières burundaises, il y avait même qui leur disaient, ne me cherchez plus parce que je suis en partance à destination justement des pays du Golfe arabe, je ne suis plus votre femme, etc., etc. Cette autorité appelle au gouvernement à poursuivre ses efforts pour que les dites familles puissent en tirer profit. Parle, rassure-moi. Le langage chacal rabaisse les gens car il est fait souvent de critiques et de reproches. Le chacal pose des étiquettes sur les gens, les rabaisse. Le socio-anthropologue Gide Nkurunziza indique que la plupart des fois, une personne ou un groupe veut qu'une certaine vérité reste cachée. Ceci peut détruire la société car ce langage sème la haine au sein des membres d'une communauté. Francine Ndiokougaïo. C'est un langage qui se manifeste chez les gens qui s'accusent d'une certaine faiblesse et qui ont tendance à cacher une vérité. Le socio-anthropologue Gide Nkurunziza explique que des fois, les gens ont peur d'être jugés ou critiqués. Par le langage chacal, il faut comprendre des choses liées à la monopolisation de la parole, il y a la discrimination du point de vue des autres personnes. C'est un langage qui ne permet pas les autres de s'exprimer, de donner les points de vue. Ce langage chacal, il se va caractériser par l'individualisme. C'était facile de ne pas accepter les points de vue des autres sur un sujet donné, sur un événement donné. Cela montre quand même qu'il y a quelque chose que tu t'acquises toi-même dans ce que tu dis. Là, je pourrais dire aussi qu'il y a la peur d'être critiqué, d'être jugé. Quand on monopolise la parole, c'est qu'on s'acquise de la faiblesse. Si des membres du groupe se sentent défavorisés d'une manière ou d'une autre, ce langage pourra engendrer des violences, selon tout jour, le socio-anthropologue Egide Nkurunziza. Si les deux parties ou bien si les membres des groupes donnés ne s'entendent pas sur les avantages donnés, sur les profits donnés, ce langage se va utiliser pour l'instrumentaliser un certain groupe de gens qui va peut-être défendre au moment où certains profits de ce groupe est en train d'être défendu. Ce langage peut détruire la cohésion sociale parce que ce langage se met la haine de la communauté. Ça pourrait entraîner les mésentente et la colère dans la communauté ainsi que dans les différents groupes. Il arrive que un certain groupe se soit défavorisé. S'il y a quand même certaines instances de mésentente, vous comprenez bien quand même que certains membres du groupe peuvent entraîner des violences, peuvent provoquer des conflits dans la communauté. Les récepteurs du message doivent savoir le décoder et s'assurer qu'il ne va pas détruire leur communauté. Si les récepteurs, si les membres de la communauté ne font pas attention aux messages donnés, ça pourrait que les membres de la communauté comprennent mal le message et cela peut engendrer des mésententes, de la destruction sociale. Autre chose, c'est que les récepteurs du message doivent être responsables. Alors, l'importance, c'est que les membres de la communauté, les membres des différents groupes doivent voir si le message ne pourrait pas détruire la cohésion sociale, ne pourrait pas détruire la bonne relation au niveau de la communauté. Les utilisateurs de ce langage dit chacal doivent comprendre que les points de vue des autres, même divergents, sont indispensables pour l'harmonie sociale. Actualité internationale. À la une de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est la disparition du dernier dirigeant de l'Union soviétique, URSS, et dernier dirigeant de la guerre froide, qui était encore en vie. Mikhail Gorbatchev est mort ce mardi 30 août à l'âge de 91 ans en Russie. C'est ce qu'a indiqué un hôpital de Moscou cité par les agents de presse russes. Il est décédé d'une longue maladie grave, a indiqué l'hôpital clinique central dépendant de la présidence russe. Prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de la confrontation Est-Ouest au XXe siècle, Mikhail Gorbatchev a passé les 20 dernières années en retrait de la politique et vivait dans un quasi-anonymat. Seule une pièce de théâtre à Moscou l'année dernière, c'est les mois le Gorbatchev intime avait fait sale comble, selon nos confrères de Radio France Internationale. Et en Afrique, le Gabon accueille depuis hier mardi la première édition des États généraux de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Les participants évoquent notamment la fusion entre la CEMAC et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sans oublier la question du franc CFA, la monnaie commune dans 6 pays d'Afrique centrale. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.